Lorsque le filtre à air est encrassé, le mélange gazeux est trop riche en carburant. Ceci entraîne un échauffement du moteur et une surconsommation de carburant. De plus, l'air étant mal filtré, des impuretés sont amenées dans les cylindres et entraînées ensuite dans le circuit de graissage. L'échauffement et l'encrassement du circuit de graissage contribuent à une usure prématurée du moteur. Réponse A et C.